Le Rock Show. Juste des classiques qui rockent. Holy Rock. Énergie. La Sig Funny, demande spéciale. Salutations à Patrick, un habitué du Rock Show. Un fidèle auditeur live dedans son camion. Il aime entendre les Presidents of United States of America. On parle pas de Donald Trump, il parle du BAM. Il était bien populaire dans les années 90. Video Kill the Radio Star pour mon chum Patrick dans les prochains instants. White Town, Your Woman. Salutations à Clément, lui aussi, un fidèle. Et Motley Crue en 89. Voici une des chansons que j'ai écoutées le plus souvent dans ma vie. Parce que j'ai l'album et la cassette depuis le jour 1. Kickstart My Heart, Motley Crue à souvenir sur Énergie partout au Québec dans le Rock Show. Yeah! Salut, c'est le Boost et demain, ben, on sera là, 5h25. Ne manquez pas l'opportunité d'aller voter sur la page Facebook du 98.9 pour le tatou que je me fais faire vendredi. Mm-hmm. C'est 500$ de tatou qu'on vous donne, là. Mais pas tout le monde, mais la personne qu'on va épuiser. Oui, oui, sinon, oui. Ça coûtera cher. Tu vas transformer en prophète, en prédicateur. Oui, exact. Puis moi, ben, mon vote est déjà. Je vote pour Vince. Yes. C'est réglé, c'est fait. C'est toi. J'aime beaucoup tes enfants, mais je pense que je vote pour Vince. Let's go! On check ça. Vous pouvez voter pour mes enfants. Ça. Just tell me what you've got. Way. classiques, plus de rock. Puis un peu de babu. Énergie. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Oh, oh. I met your children. Oh, oh. What did you tell? Kill the radio star. Video kill the radio star. In my mind and in my car, we can't rewind, we've gone too far. Bien sûr, les vacances. Jean-Simon, lui, est avec sa conjointe Sophie. Ils sont sur leur bateau présentement. Ça a l'air qu'ils sont fait pogner à pluie tantôt. Prudence, vous avez quelque chose à nous signaler. Mis à part ça, la famille Turgeon, eux autres qui nous écoutent live dedans leur piscine. Donc, on vous salue, les amis. Merci d'avoir choisi Énergie. Et tous ceux qui travaillent ce soir, ben, on vous souhaite de passer une agréable soirée. Finger Eleven pour agrémenter tout ça. Et Franz Ferdinand, déjà 21 ans pour Take Me Out. Partout au Québec, dans le Rock Show. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered and alive. I'm just a crosshair. I'm just a shot, then we can die. révolutionnaire, rebelle, légendaire. Let's rock! The Rock Show. Énergie. Un peu partout au Québec, je vous dirais, c'est humide, hein, donc il faut que ça tombe à un moment donné. Donc cette nuit, ben, les régions qui sont touchées par des averses, 40% des possibilités d'averses seront jusqu'à quoi 5-6 heures demain matin. Mais par la suite, ça se dégage et pas mal partout. Là, d'ici dimanche, on aura pas d'averses. Soleil au rendez-vous avec des 28 à 32 degrés à bord l'humidex. Très humide, je vous dirais. Peut-être qu'un début de semaine qui sera un peu plus normal qu'à l'habitude pour la période de la saison. Mais on est en pleine canicule présentement. les petites gouttelettes qu'on peut recevoir font quand même du bien pour nos terrains. Dans quelques instants, encore des gros classiques. Hard Sun, tiré du film Into the Wild. Excellent film avec Eddie Vedder. Shine Down 365 et The Offspring. Notre promesse, vous offrir toujours plus de classiques du rock. Énergie. Pour une deuxième année, la plus grosse convention de tatouage en province sera à Québec. Et le 98.9 Énergie vous y envoie. Cette semaine, écoutez le Boost pour remporter vos 4 billets pour le Québec Tattoo Show du 22 au 24 août à Expo City. En plus d'être finaliste pour un certificat cadeau de 500$ au studio Paradox. Les artistes tatoueurs les plus talentueux, des concours, spectacles d'humour, DJ, food truck. Ça promet un autre gros concours signé 98.9 Énergie. Trois provinces traversées et cochées sur la liste d'endroits à visiter. 6 voyages en camping à se réveiller au chant des oiseaux. Une escapade au spa pour déconnecter. Enfin, presque. Mesurez la portée de votre Prius hybride branchable en nombre de souvenirs. Pas seulement de kilomètres. C'est leur Toyota. Pour un temps limité, vous pourriez obtenir jusqu'à 4 000$ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients Toyota. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions. N'oubliez pas que ce soir, dès 21h, Henri IV Sud, complètement fermé entre Charest et Laurier, jusqu'à demain matin, 5h30. Et demain soir, dès 22h jusqu'à 5h30, vendredi matin, pour l'ajout d'éléments de signalisation. Ton Internet n'arrive pas premier de classe? L'Internet fibre de e-box 500 Mbps à 50$ par mois, ça passe le test. Abonne-toi au e-box.ca. La circulation est une présentation de l'Intendance de Québec qui vous invite à faire preuve de courtoisie à vélocipède, à pied ou en carrosse. Car faire le colon sur la route, c'est dépassé. Oh, shérif, c'est une sacrée monture que t'as là. Merci, Billy. Où est-ce que t'as dégoté une monture pareille? Bah, chez New Look. Ils ont tout plein de montures. À monture! La deuxième paire de lunettes est gratuite à l'achat de n'importe quelle marque chez New Look. Jusqu'au 5 octobre, des conditions s'appliquent. Chantal Gravel, opticienne. L'été à la Malbaie s'annonce festif grâce à l'événement Loto-Québec fait son juste pour rire. Du 14 au 31 août, il y aura une foule d'activités au complexe hôtel casino de Charlevoix, dont un village forain et des spectacles d'humour gratuits. C'est l'occasion de se rassembler, de se divertir et d'encourager le talent d'ici. Prolongez votre soirée au casino. Dansez sur la musique d'un DJ dans une ambiance électrisante. Cet été, c'est au complexe hôtel casino de Charlevoix que ça se passe. Une expérience Loto-Québec, 18 ans ou plus. Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca. Inspirez, expirez. Il y a une vague de menaces auprès des gens qui étaient présents à la retraite de yoga. OK, des menaces. Inspirez, expirez. Faut qu'on éclaircisse cette affaire. Capote pas Claude Poirier, là. C'est sûrement juste une joke plate de petits gars. Inspirez, expirez. Ma chum, elle s'est fait gober 15 000$ par une motivatrice. On parle ici d'une mission d'infiltration. Inspirez, expirez. Nouvelle saison. Une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon, hein? Crave. C'est l'événement soif d'été chez McDo. Savourez une boisson splash fraîcheur petit format à 2$ ou encore un frappé ou un smoothie petit format à 3$. C'est offert tout l'été chez McDo. Exclus les doses de sirop et les garnitures supplémentaires dans les McDo participants. Taxes applicables, les prix ne s'appliquent pas à la livraison. Le meilleur moment pour acheter un véhicule électrique, c'est quand? Chez Chevrolet, on vous confirme que c'est maintenant. En ce moment, vous profitez des meilleurs taux de location et de financement jamais offerts sur l'Equinox EV et le Blazer EV 2025. Il y a aussi une prime Costco allant jusqu'à 1 200$ offerte au membre admissible. En plus, Chevrolet a fini numéro 1 des ventes de véhicules électriques au Québec en 2024 et continue de l'être aujourd'hui. Raison de plus de passer chez vos concessionnaires Chevrolet dès maintenant? Certaines restrictions s'appliquent. Monte à bord d'un week-end complètement inoubliable. Beauce Carnaval est de retour dans le stationnement d'Expo Cité pour la Grande Foire de Québec du 20 au 24 août. Viens vivre le rythme effréné et la folie des super manèges comme la Grande Roue, le Storm ou encore l'Himalaya. Accroche-toi et viens faire le plein de sensations fortes pendant un week-end renversant et étourdissant dans le stationnement d'Expo Cité du 20 au 24 août. Beauce Carnaval, plus de 70 ans de sourire et de plaisir. Pour plus d'informations sur la tournée et les heures d'ouverture, visite lebeaucecarnaval.com. Vous voulez un été sharp? Affrontez la canicule avec les thermopompes Sharp munies d'un vrai purificateur d'air. Ce sont les plus performantes sur le marché et elles sont admissibles aux meilleures subventions disponibles au Québec. Visitez sharphbac.ca. La rentrée vient avec de grosses questions, comme... Combien de cartables ça va leur prendre? Et... Est-ce que ça prendra un réveil matin pour leur réveil matin? Mais surtout... Où est-ce que je peux trouver des forfaits mobiles avantageux pour ma famille? Facile. Avec Bell, plus vous avez de lignes, plus vous économisez. Passez à Bell, le réseau 5G+, le plus rapide au pays, et soyez 100% prêts pour la rentrée. Visitez un magasin Bell ou bell.ca/offre pour les détails. À la rentrée, la vie est belle. Salut, c'est moi, votre sommeil. Alors, selon le dernier rapport de Dormez-vous que j'ai ici sous les yeux, là, vous seriez plusieurs à me négliger. Hein? Quand vous regardez 8 épisodes de L'amour est dans les tables ou que vous jouez toute la nuit à Zombie Maximum Apocalypse Extrême Édition, ça m'affecte. Et dormir, vous avez du talent là-dedans. En plus, vous êtes capable de faire ça les yeux fermés. T'sais, les yeux allés. Pendant l'événement, votre sommeil mérite mieux. Obtenez 20% de rabais sur presque tout. Pour un temps limité, seulement chez Dormez-vous. Certaines conditions s'appliquent. Qui loue chez Option Subaru pour flasher? Personne. Le conducteur de Subaru, il paye pas deux fois le prix pour un logo. Il s'en tape du porte-parole qui vend telle ou telle compagnie. Il en a rien à cirer de savoir c'est quoi le deal que les employés ont. Il loue une Impreza 2025 en location 48 mois à partir de 105 $ par semaine, sans passer 6 mois à magasiner dans le vide. Le client qui vient chez nous, ben c'est simple, il est brillant. Slogan! Ta meilleure option, c'est Option Subaru! 98.9. Disponible sur iHeartRadio. À job ou en vacances, votre heure de lunch se passe avec la référence musicale Mike Gauthier. Stéréo Mike, demain, 11h25. À Québec. Plus de classiques. Tout l'été. 98.9. from now. If I could hit. Comme ça, tu t'es trouvé une nouvelle job. On comprend souvent la piscine. Lifeguard dans ta cour. Ça va te prendre une bonne dose de classique. Plus de splash. Plus de fun. Énergie. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hot sun beating on the big people in a big hot world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet, yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. She is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Téléchargez l'application iHeartRadio pour ne rien manquer du seul show rock en ville. Le Rock Show. Énergie. Jean-Philippe veut saluer sa gang de chums. Ils sont allés jouer au golf aujourd'hui. Ils ont terminé ça juste avant la pluie. Donc, tant mieux pour vous, les amis. Une petite bière au rendez-vous. Prudence sur les routes. Vous avez quelque chose à nous signaler? Et pas trop vite. Été qui, honnêtement, a coûté cher pour ce qu'il y en est. Des accidents mortels au Québec. C'est le fun que ça se termine un peu mieux. Donc, c'est notre job, nous autres, de vous dire de ralentir un peu, de relaxer un peu. également une fois de temps en temps. Puis quand même, on arrivera 2-3 minutes en retard à la maison. Vous allez sauver votre vie, sauver celle d'un autre. Ouais, ça pourrait être de fun, hein? Pas de fun. Donc, prudence. Dans les prochains instants, vos demandes spéciales, vous pouvez faire ça au 6-12-12 ou encore via l'application iHeartRadio. Dans 2 minutes, le rappel. Ben voyons, il est passé où? Ben oui, l'été va encore passer en un clin d'œil. Mais à Énergie, on a trouvé le moyen de prolonger l'été. Gagnez votre voyage à Saint-Martin dans les Caraïbes grâce à Voyage Simon Pelletier. En semaine dès 14h55, écoutez sa rentre au poste pour jouer à deux gars, deux filles. Vous pourriez vous envoler pour une semaine de plage à Saint-Martin. Au Sonesta Mao Beach Resort Casino and Spa. Valeur de plus de 3 500 $. Départ en octobre pour faire durer l'été. Plus de soleil, plus de fun. Énergie. Trois séries à succès.